Yes, Nkolo. One, two. Yes, Nkolo. Yes, Nkolo. One, two. One, two. Yes, Nkolo. Yes, Nkolo. One, two. One, two. Yes, Nkolo. Yes, Nkolo. He's an amazing God. Let me praise His name. Le diable nous invite à pécher. Focalise-toi sur la réalité. Sors de ces futilités. Enlève toutes ces mauvaises pensées. Car ce n'est pas comme ça que tu vas avancer. J'arrive dans le game, je suis même pas majeur. Mes paroles les feront tous déménager. Et lui crois-moi, la vie ce n'est pas un jeu. Car je surveille même les personnes âgées. Et certains me négligent parce que je suis jeune. Sachant que mes paroles ont un message caché. Mais heureusement que Dieu ne change pas. J'irai jusqu'au Brésil ou encore Alger. Je ne change pas. Il reste fidèle et il ne t'oublie pas. Laisse-les parler là-bas. Ils perdent leur temps à vouloir cracher sur toi. Avancez, laissez-les parler. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Allez, laissez-les parler. Je regarde les autres en espérant agir. Et tu sais que le temps passe tous les jours. Marcher tout seul c'est désavantageux. C'est le talent qui parle et non pas la magie. Ma force vient pas d'ici mais d'ailleurs. Pour du résultat il faut travailler. Avance tout droit tu connais ta valeur. Ne calcule pas et laisse les aboyer. Gagner beaucoup d'argent c'est bien, mais gagner sa place au paradis c'est mieux. T'as mis ta confiance en ceux qui font les saints, mais pour t'épauler ils seront paresseux. L'orgueil te fait devenir prétentieux. Tu commences à travailler avec la pression. Tu dis à ta mère que t'es chanceux sans lui dire que tu fais des choses qui sont brossons. Je kick en espérant que tu sois touché, car les gens verront ce qui sort de ma bouche. Et peut-être que t'auras les oreilles bouchées. Je sais pas pour toi mais je trouve ça louche. Ne viens pas me donner ton avis si ton commentaire n'est pas réfléchi. Car mes genoux ne vont pas fléchir. C'est Dieu qui donne, je te laisse réfléchir. C'est Dieu qui donne, sinon ça sert à rien. Flemme d'écouter tous ces hypocrites qui sont juste là quand tout va bien. On les revoit du jour au lendemain. Allez laissez les parler. Sanctification et n'oublie pas qui tu es. Qui tu es. Tu es un enfant du Très-Haut, prépare ton salut. Laisse-les parler. Toi marche dans la sanctification et n'oublie pas qui tu es. Qui tu es. Tu es un enfant du Très-Haut, prépare ton salut. Ton salut, ton salut, ton salut. Prépare ton salut. Ton salut, ton salut, ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Prépare ton salut. Come on, let it in. Dieu fait des miracles. Mon Dieu fait des miracles. Mon Dieu fait des miracles. Malgré tout mon passé, car je sais que mes péchés ont été pardonnés. J'aimerais pour toujours rester à tes côtés et ne jamais recommencer ma vie passée. Moi je fais des miracles, miracles, miracles. Dans ma vie, il m'a transformé. Rentre dans ma vie, il m'a touché. Il m'a pris tel que je suis sans préjugé. Essuyé les larmes qui ont coulé. Aujourd'hui, j'ai décidé de lui donner ma vie. En voyant toutes ces choses qu'il a accomplies, il renvoie mon âme et mon esprit. Oui, le Seigneur, c'est mon meilleur ami. Mon but est de le suivre malgré tous les enjeux. Car ma destinée est faite pour la gloire de mon Dieu. Je l'ai croisé sur mon chemin et depuis là je le suis. Je ne pense pas être victorieux car en effet je le suis. Et si tu penses qu'il faut du courage pour se conduire ainsi, je suis juste conduit par celui que j'appelle le Messie. Je me suis écarté de la jalousie et des envieux. Et je prie Daddy pour qu'il me montre qui sont mes voisins. Tout ce qui m'a resté par la grâce car je ne suis pas chanceux. Et quand je vois tout ça j'ai juste envie de lui dire merci. Et oui mon frère, ce que je dis c'est qu'il est le chemin, la vie, la vérité, il est mon ami. Maintenant qu'il a tout accompli, pas besoin de faire le carré pour que le message soit compris. Depuis que j'ai grandi, je ne calcule plus les soucis. Les problèmes me prennent de tête et surtout les on m'a dit. Et si tu crois que j'ai fini, non ce n'est que le début. Car mon projet c'est qu'un jour je puisse atteindre mon but. Oh oui oui oui, il fait des Dieu fait des miracles. Hey. can see what. But no can see the worst thing down they judge. I used to spend, man, I just be wondering. And to hate his and just came in and more of that. Even my bread, sugar, my tea. See how it's love to me, maybe fall in love. Even my bread, sugar, my tea. See how it's love to me, make me fall in love. D'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel. Le gospel. Allez viens, entre dans le mouvement. N'attends pas demain pour entrer dans la danse. Ma mission est claire, faire des nations des disciples. La parole est mon âme et j'espère toucher toutes mes cibles. Eh oh, les darons ont du voyage. J'irai louer mon Dieu même si Satan a m'en décourage. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Il veille sur mon destin et grâce à lui je survis. Yeah. Donc j'irai, j'annoncerai la parole de Dieu pour que le maximum d'amour soit. Ouais, évidemment, il dit qu'on se pour une mission terrible. De faire de toutes les nations des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous, Dieu a sacrifié son fils. À chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement en bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow. Une grosse dédicace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow. Ouais, puis dans les bras franges, assez loin d'être fini. On a déjà commencé une route nouvelle sur laquelle tu vas t'ambiancer. Mon but c'est de prêcher, non pas de pécher. Je suis assez noir, j'ai pas envie de cramer. Je suis qu'un enfant, y'a que Dieu qui sait me bercer. Il me réveille chaque jour, je lui dis merci. Mon papa est fidèle, il m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Dieu m'a libéré. J'essaie de suivre malgré ce que les gens disent. Gravir les échelons, devenir ton disciple. Faire ta fierté, que tu puisses m'appeler fils. Voici les envies pour le reste de ma vie. Me laisse pas tomber. Sans toi, je paierai. Me laisse pas tomber. Sur ta volonté s'accomplira. Et ouais, s'accomplira. Évidemment, il dit qu'on se pour une mission terrible. De faire de toutes les nations des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous, Dieu a sacrifié son fils. À chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement en bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow. Une grosse dédicace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow. Ouais, puis dans les bras, proches, assez loin d'être fini. Ouais, puis de lui dit qu'on se pour une mission terrible. De faire de toutes les nations des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous, Dieu a sacrifié son fils. À chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement en bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow. Une grosse dédicace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow. Ouais, puis dans les bras, proches, assez loin d'être fini. searching, searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect, always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah. Never failing. Singing like